Comment dites-vous à la maison? Se trouver à la maison. Tia. Tia. Comment dites-vous se trouver à? Tia. Zai. Zai. Tia. Zai. Tia. Oui. Zai. Tia. Comment dites-vous maintenant? Xian. Zai. Et donc la deuxième syllabe? Zai. Zai. Doigt noir pointé vers le sol. La deuxième syllabe de maintenant s'écrit avec le même caractère que se trouver à. Donc, se trouver à la maison se dit en chinois. Zai. Jia. Zai. Jia. Si on veut dire à l'intérieur de la maison, on dira littéralement se trouver à ou dans la maison à l'intérieur. Zai. Jia li, li, les rouges de la victoire. Et donc, à l'intérieur, se placera après maison. Et c'est pourquoi, à l'intérieur de la maison, se dira. Zai, jia li. Zai, jia li. Pour dire que quelque chose est chez quelqu'un, dans la maison d'une personne, on utilisera alors le même mot que celui employé pour « à l'intérieur ». Li. Donc, « il se trouve dans ma maison » se dira « Ta zai wo de jia li ». Ce qui veut dire littéralement « il se trouve dans ma maison à l'intérieur ». Alors, un été, je suis parti en vacances chez des amis à Tahiti qui m'ont gentiment hébergé. À l'intérieur de la maison, flottait un agréable parfum de fleurs de tiare. Zai jia li. Dans la maison, on sentait la fleur de tiare. Alors dites-moi maintenant, où est le livre? Shu. Shi. Comment dites-vous se trouver à? Ah oui. Shu. Zai. Où est le livre? Shu zai nar. Le livre est dans ma maison. Le livre se trouve? Shu zai. Dans ma maison? Wo de jia li. Le livre est dans ma maison. Shu zai wo de jia li. Hein, rappelez-vous que dans la maison flottait un agréable parfum de fleurs de tiare. Qu'as-tu dans ta maison? Tu as quoi? Tu as quoi dans ta maison? Tu as quoi dans ta maison? Ou bien, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ta maison? Se trouve dans ta maison à l'intérieur. Ni yo. Dans ta. Ni de. Et donc la phrase en entier c'est. Qu'as-tu? Tu as quoi dans ta maison? D'accord. Ni yo shem. Zai ni de jia li. Comment dites-vous quoi? Shen. Shen. Shen. Ma. Shen. Shen. Pour dire quoi? Shen. Qu'as-tu dans ta maison? Ni. You shenme zai ni de jia li. J'ai un livre dans ma maison. Il n'est pas nécessaire de traduire le 1. Wo you shu zai wo de jia li. J'ai un livre dans ma maison. Wo you shu. 在 我的家里。 Et maintenant, une question qui peut être très urgente. As-tu des toilettes dans ta maison? Ni yo te su zai ni de jia li ma. As-tu des toilettes dans ta maison? Ni yo te su zai ni de jia li ma. Et la réponse sera oui, à voir. Yo. Qui habite dans ta maison? Shei zhu zai ni de zai. Jia. Jia. Jia li. C'est ça, comment dites-vous maison? À la maison? Maison, le mot maison. Zai. Jia. Jia. Oui, ça c'est pour maison. Comment dit-on se trouver à la maison? Zai. Jia. Zai. Jia. Et maintenant, comment dites-vous dans cette maison ou dans la maison? Zai. Jia. Li. Li. Li. Zai. Jia. Li. Qui habite dans ta maison? Shei zhu zai ni de jia li. Ma maman et moi. Wo de wo de mama he wo. Ma maman et moi. Wo de Mama he wo. Qui habite dans sa maison? Shei zhu zai zai li. Sa maison. Ta de zai. Comment dites-vous maison? Jia. Jia. Qui habite dans sa maison? Shei zhu zai ta de jia li. Une amie et son petit ami habitent tous deux dans sa maison. Alors, une amie en précisant que c'est une femme. Yi ge nu peng you. Et son petit ami he ta de son petit ami. Oui. Nan peng you. Habitent tous deux. To shu, non. Zhu. Dans sa maison. Zai. Ta de. Jia li. Une amie et son petit ami habitent tous deux dans sa maison. Yi ge nu peng you he ta de nan peng you dou zhu zai ta de jia li.